Écouter un écrivain, entendre son œuvre, des entretiens, des lectures. Un été d'écrivain, c'est tout l'été sur France Culture entre 20h et 21h. Des auteurs français, des auteurs étrangers. Jean-Philippe Toussaint. Annie Ernaux. Antonio Lobo Antunes. Jean Dormesson. Lydie Salvert. Olivier Rollin. Et toute cette semaine, Geneviève Brissac s'entretient avec Annie Ernaux. À voix nue. Annie Ernaux s'entretient avec Geneviève Brissac. Cinquième volet. Yvetot fut le lieu des déchirures et des apprentissages, de la filiation, des racines, des souvenirs profonds. Annecy, dont nous avons parlé hier, celui de la vie de famille adulte, de la découverte de l'aliénation de la femme mariée, l'oppression ordinaire familiale. Et puis il y eut Cergy, la ville nouvelle, dont vous dites dans la préface du journal du dehors que vous avez aimé vivre là, dans un endroit sans histoire, cosmopolite, au milieu d'existences commencées ailleurs. Votre expérimentation littéraire s'y est précisée. De passion simple à l'occupation, vous avez creusé de nouveaux sillons pour vos mots, vous avez parlé à nouveau d'amour. Simultanément, vous avez publié ce journal du dehors, La vie extérieure, Se perdre, trois livres journaux qui, après Je ne suis pas sortie de ma nuit, vous amènent à interroger le monde où nous circulons à l'aveuglette, si insensible, et cette énigme de nos émotions, de nos souvenirs et de nos mots. Passion simple est parue en 1991. Il me semble qu'il faut y revenir, recommencer par là. C'est difficile de parler de ce texte. C'est quoi comme texte? C'est la recherche de la réalité d'une passion. C'est la trace d'une douleur, d'un immense bonheur. C'est quelque chose peut-être aussi d'impersonnel, où j'ai essayé de faire de ce qui avait été vécu quelque chose qui en soit la trace en dur, et qui soit pris par les autres, assimilable par les autres, qui puisse devenir peut-être l'histoire des autres. La proie de tout le monde, enfin. Oui, mais je ne pensais pas à tout cela quand j'ai commencé, bien sûr. Vous le dites d'ailleurs, vous en parlez, c'est dans Passion simple, que ce serait une grande erreur de confondre l'écriture de l'autobiographe et le geste d'exhibitionniste, puisque oui, l'écriture de l'autobiographe se situe dans un temps différent, oui, après, à la fois après ce qui s'est passé et sans penser au dehors, en fait, alors que l'exhibitionniste, oui, l'exhibitionniste que chacun sait, est dans le plaisir de, il de est l'instant dans de l'exhibition. Voilà, il veut se montrer et être vu exactement dans le même moment. Il a besoin absolument de cette coïncidence des temps. Et lorsque j'écris, il y a, je crois avoir écrit ça dans un autre texte, peut-être dans l'Occupation, mais écrire, c'est ne pas être vu. Non, exactement. Ça, c'est un geste secret. Tout à fait. Et même, à la limite, on vous verrait en train d'écrire dans un café, comme cela, on ne peut pas savoir ce qu'il y a d'écrit si vous ne le montrez pas. Et cette invisibilité et aussi ce délai entre ce qui a été vécu et qui vous appartient, comme c'est le cas de Passion simple, de l'Occupation, et puis le moment où le livre sortira, ça se situe dans d'autres espaces-temps. Oui, comme le disait Marcel Proust, c'est même à peine la même personne. Oui, c'est plus la même, et d'autant plus que lorsque le livre est publié, j'ai vraiment l'impression que bien, ce n'est d'une plus, étrangeté, oui, en fait. D'une étrangeté radicale. D'une étrangeté radicale. Et c'est que lorsque, à partir du moment où il y a un texte, c'est-à-dire quelque chose qui existe comme un film ou comme un tableau, c'est ça un livre. Ça a une existence à soi propre, autonome, complètement autonome, où il y a eu un travail d'écriture à partir des choses réelles, des choses vues, des émotions, et tout cela est devenu mot, c'est-à-dire mais quelque chose qui a une autre existence. Moi, je tiens beaucoup à cette idée d'autre existence. Dont on ne doute pas d'ailleurs pour les tableaux. Non, on n'en doute pas pour les tableaux. On en doute beaucoup plus pour les écrits. Les écrits, en revanche, parce que le langage, tout le monde l'utilise, ça doit être ça. Parce que quelquefois, on peut confondre aussi quelqu'un qui vient à la télévision et dont on voit le visage et qui raconte sa vie sans aucun, aucune mise en forme. Mais ça n'est absolument pas la même chose. Il y a là quelque chose qui est passé ailleurs, et c'est ça justement qui fonde l'écriture, qui fonde, je dirais plus généralement, l'art, justement, c'est-à-dire d'exister dans une autre forme. En fait, c'est une alchimie. Je crois qu'aujourd'hui, on doute parfois de l'alchimie, oui, et qu'on a du plomb, le plomb de la vie transformé en or de l'art, et qu'on voudrait retransformer cet or en plomb pour savoir, oui, d'où ça vient, vraiment. Parce qu'il y a cette question, oui, du d'où ça vient qui n'est pas tellement... Oui. Passionnante. Alors évidemment, pour les textes autobiographiques comme Passion simple, L'occupation, la provocation est plus forte à ce glissement, à ce dérapage, puisque oui, ça a l'air d'être une histoire comme dans un magazine, Passion simple, puisque c'est l'histoire d'une femme qui éprouve une passion pour les gens qui l'auraient pas lu, oui, pour un homme et... qui s'en va. Ça tient en très peu de pages, hein, il faut le dire, 77 je crois, en édition folio, et ce sont en fait tous les signes objectifs de la passion. Donc le contraire du roman, oui, c'est rose que vous lisiez rose, quand vous étiez petite. Ah oui, c'est tout parce le contraire. Que les livres, vos livres évoquent souvent ces romans roses, oui, qui vous, oui, sont... Mais qui m'ont fondé quelque part. Oui, hein. Oui bien sûr, et avec toutes ces... Que vous terrassez aujourd'hui. Je les terrasse complètement avec des détails qui peuvent apparaître comme complètement crus, mais qui sont, ou plus simplement tellement banals qu'on ne songerait pas à les écrire et qui n'auraient de toute façon pas été écrits dans ces romans roses. Par exemple, bien de ne pas passer l'aspirateur pour pouvoir entendre le téléphone, ou bien de ne rien ranger dans la chambre pour contempler encore ce désordre d'après l'amour. Donc, je décris. Il me faut absolument ces preuves concrètes qui vont signifier la réalité de ce qui m'a traversée, de la passion. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que c'est justement par ces détails que non seulement je vais, moi, fixer cette passion, mais que pour des lecteurs, très souvent, ils vont s'accrocher eux aussi à tel ou tel détail qui sont à eux, d'une certaine façon. Qui sont leurs propres détails. Qui sont leurs propres histoires. Peut-être qu'écrire, c'est aussi toujours une façon de permettre à d'autres de voir ce qu'ils vivent autrement. C'est ce que vous avez souvent fait. Je pense que ça, c'est d'essayer, c'est de dévoiler quelque chose qui va, peut-être... ébranler dans l'intérieur du lecteur ou lui découvrir quelque chose qu'il ignorait ou qu'il ne savait pas qu'il pouvait dire. Alors pour vous, Passion simple, c'est aussi, comme vous l'avez dit pour vos autres livres, un travail expérimental. C'était du point de vue de la vie une passion, donc forcément une expérience qui est très banale, qui est à la fois c'est exactement très partagé. Oui. Je veux dire l'expérience partagée. L'expérience, oui, partagée et aussi celle qu'on oublie par définition, puisque, oui, l'état rationnel est... Et je l'ai écrit lorsque j'étais toujours dans cette passion. Oui, j'étais dans la perte. Dans la perte de cet homme. C'est-à-dire qu'à l'attente de réelle, l'attente de cet homme avait disparu et qu'il n'y avait donc plus que le grand vide devant moi. Et l'écriture a, d'une certaine manière, mais d'une façon extrêmement rigoureuse, c'est-à-dire je n'ai pas du tout plongé dans la déploration, dans le deuil, dans le romantisme. Rien n'est plus éloigné du romantisme que ce texte, mais de dire ce qu'est la passion, mais en même temps, il est certain que ça comblait, ça remplaçait l'attente. Ça remplaçait l'attente. Et ensuite, c'était aussi une façon de faire quelque chose, on y revient, c'est-à-dire de ne pas avoir vécu pour rien. Pas avoir vécu cette passion pour rien. Qu'elle devienne comme quelque chose d'autre. Comme pour les autres moments. Oui, ça fait partie. Dans l'occupation, ce sera ne pas avoir vécu pour rien. La jalousie, pour rien. Pas avoir été jalouse pour rien. Parce qu'il y a là quelque chose qui peut être analysé, dit, être aussi une occasion de trouver une nouvelle forme d'écriture. Passion simple, c'est l'inventaire d'une passion. L'occupation, c'est l'inventaire d'une jalousie. Et est-ce qu'il n'y a pas aussi, pour ces deux livres-là, une sorte d'étonnement au sens qui est examiné? Oui, l'étonnement, comment j'ai été le siège de ces choses-là. Comment ça a pu m'arriver? Je m'interroge moins sur comment ça a pu m'arriver, mais comment ça a fonctionné, mais parce que justement, c'est comme si je voyais à distance ce que j'éprouvais. C'est à moi l'histoire d'une de mes folies, en fait. Voilà. C'est très juste parce que je crois avoir pensé à ça pour là. Ou l'autre, ou les deux de mes livres, c'est Rimbaud. Oui. Ouais. Mais est-ce que vous ne croyez pas que la littérature est toujours là pour faire un pied de nez à la raison? C'est-à-dire, puisque la littérature parle d'une manière générale, je crois, toujours d'amour, de perte et d'abandon, on ne devrait pas aimer, on ne devrait pas se sentir abandonné, et la perte, finalement, on ne devrait pas tant s'en soucier. Est-ce qu'il n'y a pas toujours cette exploration de choses qui vous occupent, qui vous habitent, et dont on est tous surpris qu'elle vous anime, comme le souffle de la vie même, en fait? Oui, pour une grande partie de mon inspiration, j'aime pas beaucoup ce mot-là, mais je l'emploie dans l'écriture. Quand même, oui, il y a une autre facette qui est pour moi importante, qui est aussi une espèce de transcription d'un réel brut. Quelque chose qui échappe justement à ce qui serait l'émotion, serait la sensation renfermée sur moi-même, sur un individu. Et pour, par exemple, publier Se perdre le journal, donc qui correspond à Passion simple, il a fallu un regard sur ce texte qui m'a montré qu'il était justement qu'il formait un texte. Il échappait au journal quelque part. Il échappait au journal à sa dimension égocentrique qu'il offrait quelque chose universel d'autonomie, beaucoup plus que d'autres parties de mon journal. Qui seraient les sédiments, en fait. Oui, c'est ça. C'est la raison pour laquelle je l'ai publié. Mais sinon, je préfère justement avoir toujours cette idée de construire quelque chose, de construire des textes qui vont avoir une forme. Ma comparaison avec un autre art, si j'en avais un autre, si je pouvais en pratiquer un autre, ce serait peut-être soit la sculpture, soit l'architecture, c'est-à-dire des choses un peu lourdes. Construites. Oui. Oui, cette idée de construire. L'architecture. Je pensais plutôt à la sculpture dans le aboutir à une. prélèvement en fait de la matière. De la matière, c'est cette idée de travailler une matière. Souvent, je pense que je travaille sur de la matière et je travaille sur deux matières. Je travaille sur la vie, donc c'est souvent la mienne. Je travaille sur la vie. Enfin, pas dans les journaux du dehors et la vie extérieure. Non, pas dans les journaux, justement. Oui, en fait. C'est ça. Donc c'est pour ça que j'ai fait une petite réticence là. C'est la matière, la vie, et l'autre c'est l'écriture, les mots. Donc, matière. Je sens très très fortement les mots comme une matière. Une matière difficile, une matière qui, bon, c'est pour reprendre un de nos entretiens précédents sur cette langue perdue, ces mots donc qui vont, il y a des mots que je sais, je n'emploierai jamais, et des mots aussi, enfin des tournures, une sorte, je parle dans la honte d'une forme de légèreté du style, j'irais même jusqu'à une espèce de frivolité qui me ferait honte. Donc il faut rester. Il faut rester dans l'épaisseur. De la règle en fait, comme quelque chose de un peu pesant, de matériel. Oui, c'est toujours. Un peu janséniste en fait, peut-être. Comme on vous l'a souvent. Oui. Enfin, pas reproché d'ailleurs, c'est pas un reproche, mais en tout cas c'est une ligne. Je pensais à un deuxième angle. Vous parliez de la vie et des mots. Je dirais aussi que vous travaillez et c'est sur le continent d'une réalité sociale occultée. On l'a vu avec Yvetot, l'épicerie, les mots disparus, etc. Et ce monde des femmes, dont on n'a pas énormément parlé jusque-là, ou qu'un petit peu en biais, et que vous essayez de porter à la légitimation, en fait. Je crois que c'est le terme qui, effectivement, qui convient, c'est que tout ce qui est de l'expérience des femmes soit aussi légitime et apparaissent comme aussi naturelles et sérieuses dans la littérature que celles des hommes. On parle, rien n'est plus désagréable, injuste aussi, de dire la littérature féminine ou des femmes qui écrivent. Vous savez, on met ensemble les femmes, on dit les femmes parlent beaucoup du sexe. Ou n'en parle pas. Ou n'en parle pas. On en parle trop. Et est-ce que l'on dit les hommes parlent du sexe? Non. Toujours en fait le continent, pour reprendre toujours ce terme, le continent des hommes n'est jamais examiné, il est toujours allant de soi, et d'une manière j'allais dire continue, c'est cette légitimation des expériences de femmes, de l'écriture des femmes, mais qu'on n'en parle même plus comme écriture de femmes, c'est ça la question qui s'impose. Et alors, je crois que l'une des raisons, effectivement, de tout ce qui a pu être écrit, dit autour de Passion simple, c'était évidemment que écrire la passion comme ça, on n'attendait pas. Il y a une attente de ce que doit écrire. Il y a toujours. Il y a une image Il y a une image qui est préformée, en quelque sorte. Et toujours, moi je remarque quand même toujours, c'est qu'on observe toujours ce qu'écrivent les femmes, ce que font les femmes, ce que disent les femmes. Elles sont toujours plus ou moins sous surveillance. C'est vrai. Oui. Et vous disiez, Annie Arnaud, que l'événement, vous l'écriviez dans l'événement, c'était mettre en mots une expérience humaine totale de la vie, de la mort, du temps, de la morale et de l'interdit. Est-ce que vous diriez la même chose de Passion simple et de l'occupation? Ou pas exactement pareil? Non, je crois que je ne pourrais pas dire la même chose, parce que la dimension sociale existe toujours, même dans Passion simple et dans l'occupation, mais elle était évidemment beaucoup moins violente que dans l'événement. Cela dit, je m'efforce toujours dans mon écriture, c'est d'envisager les faits sous toutes leurs dimensions, c'est-à-dire à la fois historique, psychologique, quand c'est besoin est, métaphysique, ça c'est beaucoup plus difficile, et social. Et ça a été une constante, parce que je ne crois pas que même en tant qu'écrivain, on puisse nier que le réel s'aborde de façon différente. Et peut-être est-ce là une conséquence de mon intérêt pour la sociologie. Pour Pierre Bourdieu, dont nous n'avons pas parlé, oui, mais qui a joué un rôle dans le déclenchement de le courage qu'il m'a fallu, au fond, je crois que c'est ça. Il m'a donné le courage, dans les années 70, justement, de parler de ce dont j'avais honte. Et de vous sentir légitime, précisément. Oui, il m'a légitimée. Oui. Oui. Et à ce titre, je lui dois une reconnaissance très grande. De plus, j'ai toujours senti à quel point sa sociologie rendait vraiment compte de choses qui n'avaient pas été dites avant lui. Oui, qui n'avait pas, qui était invisible en fait. Oui, c'est cette sociologie. Et du coup, du moment où les choses sont dites, analysées et qu'elles viennent au jour, c'est fait pour changer le monde. C'est l'aspect politique. Je crois que, enfin moi aussi, il y a un aspect politique dans mes textes. Mais est-ce que vous pensez que la réception de Passion Simple, pour parler un petit peu de réception, a été, comme souvent avec vos livres d'ailleurs, en deux temps, c'est-à-dire que ça a été un très grand succès, qui ne s'est pas démenti ensuite, et en même temps, c'est un livre qui a été moralement jugé d'une certaine façon. Oui. Il a été littérairement jugé aussi. Oui. C'est-à-dire avec cette abominable confusion que si on parle de Sylvie Vartan, par exemple, une chanson de Sylvie Vartan. Mais c'est ça dont je voulais parler, de ces objets qui n'auraient pas un statut littéraire. Ils n'ont pas de statut littéraire. Oui. Alors que, je ne sais pas, par exemple, la consommation de drogue serait absolument magnifiquement littéraire, mais l'écoute de disques de variété serait... Non, on juge la littérature, non pas par son écriture, mais par ce dont elle parle. J'ai rencontré le même dédain, parce que c'est absolument du dédain, à propos de Journal du Dehors, où... le RER, les supermarchés ne sont censés ne pas être des objets de littérature. Et donc, très vite, bien entendu, les soupçons de populisme viennent, ou alors dans le cas de Passion Simple, donc c'est la littérature de Midinette. Hein. Voilà ces mots-là stigmatisants pour les femmes, parce qu'on confond effectivement l'objet quoi, avec l'écriture. Le détail est mal vu et le détail concret est mal vu. Ça dépend un petit peu qui l'emploie. C'est assez compliqué puisque dans ces questions de réception sur lesquelles on ne va pas d'ailleurs s'apesantir pendant des heures, mais qui quand même... Elle conditionne aussi. Oui, conditionne la vie des livres et conditionne leur lecture plus qu'on ne veut bien le reconnaître. C'est pour ça que je voulais en parler un tout petit peu. Il faut dire quand même, Annie Ernaux, que votre œuvre à l'étranger, en particulier dans les pays anglo-saxons, mais pas seulement, et il me semble traiter avec plus de respect et d'admiration qu'ici, ou peut-être parce que je sais pas pourquoi, d'ailleurs, parce qu'on vous connaît finalement. Oui, je crois qu'il y a. Il y a vous n'avez pas dressé des murs assez hauts autour de vous pour qu'on vous craigne, ou une armure ou un costume assez. Je crois que les textes arrivent sévères à l'étranger tels quels. Oui. Nus. Sans emballage. Sans emballage. Et alors qu'ils arrivent, quand ils arrivent en France, ils font partie d'une actualité. Ils font partie ils sont entourés ou saisis par la télévision, par la critique d'accueil, ce qu'on appelle la critique d'accueil, les journaux, les hebdos, etc. Ils sont jugés alors en fonction de critères qui ne prennent pas de distance avec les textes la plupart du temps, hein. Si bien que la réception est beaucoup plus brouillée, différente dans le pays d'origine. Oui, c'est une chose... Je crois que ce n'est pas seulement valable pour moi, c'est valable aussi pour d'autres, cette différence-là. Il est vrai que, oui, je n'ai pas à me plaindre pour la réception à l'étranger. Oui, il y a beaucoup de livres qui ont été écrits sur votre œuvre, pour l'étudier, et donc je ne saurais qu'inviter les auditeurs de France Culture à s'y reporter pour avoir plus de distance et donc plus de proximité, comme fait toujours Annie Ernaux, ce mouvement finalement de focal, hein, photographique, en gros plan et dans la distance éloignement. Et pour conclure cette série d'émissions, je voudrais juste vous lire cette conclusion de l'événement qui, à mon avis, résume bien le propos littéraire à la fois savant et par beaucoup de côtés mystique d'Annie Arnaud. Le véritable but de ma vie est peut-être seulement celui-ci, que mon corps, mes sensations et mes pensées deviennent de l'écriture, c'est-à-dire quelque chose d'intelligible et de général, mon existence complètement dissoute dans la tête et la vie des autres. C'était « À voix nue ». Annie Arnaud s'entretenait avec Geneviève Brisac. Réalisation Bruno Sourcy. France Culture, un été d'écrivain. D'écrivain, deuxième partie, le temps de la lecture avec Annie Arnaud. Dans son livre Les années, paru en 2008, Annie Arnaud évoque souvenirs personnels et histoires collectives des années 1940 à aujourd'hui. Grâce au récit d'événements, à la description d'objets, de photos, l'auteur nous parle de sa vie, mais aussi de l'évolution de la société, du temps qui passe. Elle aime qualifier son livre d'autobiographie impersonnelle. Nous proposons en nouvelle diffusion 5 des 10 épisodes qui composaient ce feuilleton réalisé par Étienne Vallès. Oh.